pars pas, attends que je ne vive qu'à ton égard. Protège-moi des vents, emprisonne-moi comme avant, ne me laisse pas devant. Affronter le temps, affronter les gens, viens, je t'attends. À présent la chance nous sourit, ne me laisse pas devant, ne me laisse pas seul dans ce temps. Accroche-moi à tes liens, si la flamme s'éteint, sans noce d'éteint, et n'être plus rien. Glissons vers l'aval, sur la spirale des frissons, brillons dans ces gènes. Sur la spirale, les frissons qui sont étoiles s'enchaînent, les rafales troènent aux floraisons. Les cœurs s'assemblent, les peurs s'effacent, il me semble, les fleurs qui se ressemblent et qui meurent ensemble. Les routes sont temples. T'invite dans mon temple, à la lueur d'une lampe, les cieux nous contemplent. Protège-moi des vents, emprisonne-moi comme avant, ne me laisse pas devant. Affronter le temps, affronter les gens, viens, je t'attends.